Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la Révolution russe de 1917. Ce fut un massacre général. Il semble que mon cousin Alexei, qui venait d'avoir 14 ans, ne fut pas tué sur le coup. On tira sur lui à 3 reprises. Ma cousine Anastasia fut jetée à terre et eut le corps transpercé de 18 coups de baïonnette. Lord Lewis Mountbatten, racontant la fin tragique des Romanov dans le documentaire « La vie et le siècle de l'amiral de la flotte » diffusé en 1973. L'assassinat de la famille impériale russe survient dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918 et fait suite à la révolution de 1917 qui a conduit en février à la chute du tsar Nicolas II et à l'arrivée au pouvoir de Lénine et des bolcheviks en octobre 1917. Il explique, Lénine, qu'une révolution réussit lorsque, simultanément, la population veut renverser un régime et que le régime lui-même se juge incapable de se perpétuer au pouvoir. Ben, on dirait vulgairement aujourd'hui « baisse les bras ». Or, en 1917, février, les manifestations de rue ne sont pas réprimées par l'armée. L'armée refuse de tirer. Même les Cosaques, qui passaient pour très durs vis-à-vis de la population, non seulement refusent de fouetter les manifestants avec leur nagaïka, comme ils le faisaient en 1905, par exemple, mais ils passent du côté des manifestants. Ils ne passent pas du côté des manifestants en allant avec eux, mais en leur faisant des clins d'œil, en les saluant. Et du coup, la foule dit « Hourra !» n'est-ce pas ? Et c'est ce ralliement des forces de l'ordre à la population qui aboutit à l'impuissance totale du gouvernement, donc du régime. Donc c'est lorsqu'une partie du système répressif ne se juge plus en solidaire de l'État que la révolution réussit. L'historien Marc Ferraud, au micro d'un certain André Champagne à l'émission Au fil du temps en 1991. André Champagne, bonjour. Bonjour Jacques Beauchamp. Ça vous rappelle de bons souvenirs. Ça me rajeunit, vous ça êtes vous très, rajeunit très aussi. Bon et Marc Ferraud, grand spécialiste de la révolution de 1917. Ouais. Ouais. Vous l'aviez interviewé donc à l'époque à Paris. Vous allez aujourd'hui, André, c'est une de vos grandes spécialités, c'est un des sujets qui vous fascine le plus. Vous allez nous raconter cette histoire de la révolution russe de 1917. Il faut le dire tout de suite, je l'évoquais un peu d'entrée de jeu, mais il y a deux temps. Ça se fait en deux grands temps, février 1917 et octobre 1917. En un mot, parce qu'on va y revenir tout au cours de l'émission, qu'est-ce qui se passe en février, qu'est-ce qui se passe en octobre? C'est la chute du tsar, c'est la chute de la dynastie des Romanov. Ce sont les fameux cinq jours du 23 au 27 février 1917 qui se terminent par l'abdication de Nicolas II le 2 mars. Et en octobre, c'est les bolcheviks qui prennent le pouvoir par un coup d'État, tout simplement. Pourquoi? Parce que, entre la chute du tsar et le coup d'État bolchevique, toutes les institutions se sont effondrées. C'est le chaos qui règne en Russie. Il n'y a plus d'ordre. Le gouvernement responsable lance des ordres, mais personne n'obéit. L'armée s'est littéralement désintégrée entre janvier et octobre 1917. Les villes ne sont plus ravitaillées, ni en nourriture, ni en combustible. Donc, c'est le chaos qui règne en Russie. Et il y aura quelqu'un qui aura cet instinct politique, Lénine, pour profiter de tout ça et faire la révolution. D'octobre, en fait, la prise de pouvoir par les bolcheviks. Un petit mot quand même, André, avant de rentrer dans cette révolution en deux temps, sur la toile de fond, parce que c'est intéressant. La Première Guerre mondiale va peser très, très lourd dans le fait que l'on puisse réaliser cette révolution de 1917 en Russie. En août 1914, la Russie est une puissance militaire, cinquième puissance industrielle, oui. C'est une puissance en devenir. La révolution industrielle a commencé dans les années 1890, mais les taux de croissance sont phénoménales. Mais c'est un pays qui est quand même, somme toute, arriéré, étant donné que 87 % de la population vit dans les campagnes. Et le prolétariat industriel en 1917, c'est 3 millions de personnes sur 160 millions d'habitants. Ouais. Et les institutions sont totalement déconnectées de la modernité. Tous les pouvoirs sont concentrés aux mains du tsar. Nicolas II a concédé une douma suite à la révolution de 1905, mais il est convaincu que son pouvoir vient de Dieu. Et il refuse tout changement. Il refuse de créer une monarchie constitutionnelle de type britannique. C'est comme s'il n'avait pas entendu le cri qui avait été poussé en 1905. Exactement. Il fait abstraction de ça. Et puis aussi, en lançant la Russie dans cette guerre contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, eh bien là, il va créer une situation qui va accentuer tous les dysfonctionnements de la société russe. Pourquoi? Parce que L'armée russe mobilisera 16 millions de soldats paysans. 16 millions. Conséquemment, on va manquer de bras dans les campagnes. Et étant donné qu'on manque de bras dans les campagnes, les paysans sont obligés de réduire leurs emblavures, sont obligés de réduire la surface cultivée. Donc, l'offre de blé, l'offre de grains, de céréales aux villes diminue considérablement. Le front est mal ravitaillé. Donc, c'est la pagaille qui règne. Et ce qui se produit, c'est qu'au début 1917, à Petrograd, à Moscou, on craint la famine, on manque de ravitaillement, oui. On manque de bois de chauffage, on manque de charbon. Les boulangeries ne peuvent plus fabriquer de pain. Donc, il y a comme une espèce de climat de panique. Et en janvier 1917, à Petrograd, on annonce le rationnement du pain et le rationnement du bois. Donc, ça crée du mécontentement. Ajoutez à ça que l'armée russe, depuis 1914, ne fait qu'enregistrer des défaites. Pensons qu'en 1917... On manque tellement de canons, on manque tellement de fusils, on manque tellement d'uniformes que lors des premières batailles, les premières vagues d'assaut sont envoyées devant les soldats allemands ou autrichiens avec les fusils. Et la deuxième, troisième vague d'assaut, les soldats, on leur dit, bien, prenez les fusils de vos camarades qui ont été tués ou blessés. Ouais. Et jusqu'à la chute du pouvoir, l'économie ira en se détériorant. Donc, c'est vraiment la guerre accentue. Mm-hmm. Tous les dysfonctionnements et contribue au mécontentement. Et le mécontentement, au début 1917, il est généralisé. La classe dirigeante, une partie de la noblesse, une partie même de la famille impériale, aimerait que Nicolas II se retire en faveur de son fils Alexis sous la régence de son frère du grand-duc Michel. La bourgeoisie libérale exige, elle, la formation d'un gouvernement constitutionnel. Les ouvriers dans les usines veulent, justement, revendiquent le pouvoir ouvrier et ainsi de suite. Et les paysans, eux, réclament quoi? Le partage des terres. Ouais. Ça ne va plus du tout du haut de la pyramide jusqu'à la base de cette pyramide. Février arrive. Avant de parler des quelques jours là, cruciaux du 23 au 27, parlons déjà de la mi-février. Ça commence vraiment à se corser pour le régime et pour le tsar à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est l'annonce du rationnement qui accentue le mécontentement. Et ce qui est intéressant, ce qui va déclencher la chute du tsar, les fameux cinq jours qui se déroulent entre le 23 et le 27 février. En réalité, à l'époque, la Russie est encore sous le calendrier julien. Et le 23 février, c'est dans le calendrier grégorien, c'est le 8 mars. Et le 23 février 1917, les femmes de Petrograd... Qui est vraiment le début du soulèvement. Oui, décident d'aller manifester pour la Journée internationale des femmes. Mais étant donné que la grande usine sidérurgique de Petrograd, l'usine Poutilovka. Petrograd, d'ailleurs, on le rappelle, mais qui est l'ancienne, qui est Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, exactement. On a russifié le nom au début de la guerre en 1914, étant donné que la Russie affrontait l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, donc deux pays germaniques. Donc, on a russifié le nom. Et à Petrograd, cette grande usine sidérurgique Poutilovka, qui engageait plus de 12, qui donnait du travail à plus de 12 000 ouvriers, est obligée de mettre une partie de ses travailleurs en chômage technique parce qu'elle manque de ravitaillement. Accentuer ce qui résulte la guerre, justement. Donc, les femmes descendent dans la rue pour manifester. Les travailleurs, les chômeurs de Poutilov se joignent à eux. Les autorités municipales, craignant du grabuge, ont décidé de fermer les commerces puis de fermer les bureaux. Alors, tous les employés de commerce et de bureaux se joignent aux manifestants. Et comme le dit Marc Ferraud tantôt, ce qui étonne, c'est que les forces de l'ordre, que ce soit la gendarmerie, que ce soit les Cosaques ou les soldats, sympathisent avec la foule. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, c'est relativement simple, c'est que la population russe n'a plus confiance en son tsar, Nicolas II. Oui. Le Parlement aussi, la Douma. Oui, est la Douma, en conflit ouvert. Exactement. Avec le tsar. Oui, parce que Nicolas II refuse de répondre aux demandes incessantes de la Douma de concéder une constitution et un gouvernement, une monarchie constitutionnelle. Et ce qui se produit, c'est que le lendemain, les manifestations recommencent. Et le surlendemain. Et finalement, c'est le quatrième jour. Le quatrième jour, les autorités ont fait disposer des mitrailleuses sur le toit de certains immeubles. Et là, on tire sur les manifestants. Il y a une quarantaine de tués. Et à Petrograd même, il y a des officiers qui ordonnent à des soldats de tirer sur les manifestants. Et ils sont obligés d'obtempérer. Et dans la nuit du 26 au 27 février 1917, c'est là que tout bascule. Pourquoi? Parce que dans les casernes, les soldats décident tout simplement d'assassiner les officiers qui leur ont ordonné de tirer sur le manifestant. Et le lendemain, le 27, le cinquième jour, on voit l'armée qui sympathise avec les manifestants. Il y a des unités complètes qui décident tout simplement d'accompagner la foule à l'arsenal. On distribue 40 000 fusils. De l'arsenal, on se rend au palais d'hiver, on hisse le drapeau drapeau rouge sur le palais d'hiver. De là, on se rend au siège de la Douma, qui est le palais de la Tauride. Et à ce moment-là, les députés de la Douma pensent que la foule vient les étriper. Ouais. Et vous avez ce député socialiste révolutionnaire, Alexandre Kerensky, qui a l'idée, lui, de dire « Nous vous attendions, quels sont vos ordres ?» Et c'est clair que tout a basculé. Et ce jour-là, donc le 27 février 1917, la Douma se transforme en gouvernement provisoire. Oui. Et parallèlement à ça, les partis de gauche, les socialistes révolutionnaires, les bolcheviks et les mencheviks, vont tout simplement œuvrer pour la création des soviets, soviets d'ouvriers, éventuellement soviets de soldats et de paysans. Ce gouvernement provisoire, donc, il sera en place quelques mois et ça ne se passera pas très bien. Mais d'abord, qui le compose, ce gouvernement-là, et quels intérêts défend ce gouvernement provisoire? Excellente question, parce que le gouvernement provisoire, c'est le gouvernement de la bourgeoisie libérale. Pour le gouvernement provisoire, la révolution est terminée à partir du moment où Nicolas II a abdiqué. Ce gouvernement provisoire-là, tout ce qu'il veut, c'est absolument maintenir la Russie dans la guerre, maintenir des engagements vis-à-vis la Grande-Bretagne et la France. Pourquoi? Pour profiter d'un effet de l'Allemagne, puis étendre le territoire russe et surtout s'emparer de Constantinople. Vieux rêve que la Russie caresse depuis la fin du 18e siècle. Mais le gouvernement provisoire, pour lui, la révolution est terminée. Alors que pour la population, pour la paysannerie, elle réclame le partage des terres. Les ouvriers réclament le contrôle ouvrier sur les usines. Les paysans soldats qui sont sur le front réclament quoi? Ils réclament la paix. Et l'erreur que fera le gouvernement provisoire, c'est de reporter à la fin de la guerre tout projet de réforme. Donc, le gouvernement provisoire s'installe dans une espèce d'inertie qui va tout simplement radicaliser les masses russes. Et ce qui va se produire, c'est relativement simple, c'est que vous avez ce leader du parti bolchevique, Vladimir Lénine, qui, lui, vit en Suisse à ce moment-là. Et c'est amusant parce que Lénine, au début de 1917, écrit à une de ses vieilles collègues révolutionnaires, Vera Zasulich, « Nous, les vieux, nous ne verrons pas la révolution. » Et il est surpris. Il est en Suisse au moment où il apprend par des journaux que Nicolas II a été renversé. Ouais. Alors donc, il demande aux autorités allemandes de pouvoir passer à travers le territoire allemand et le territoire polonais pour se rendre à Petrograd. Et il vend son projet à l'Allemagne en disant « Si je retourne en Russie, probablement que mon parti pourra prendre le pouvoir et nous négocierons la paix dès que je serai au pouvoir. » Et Lénine il revient en Russie, à Petrograd, le 4 avril 1917, et immédiatement, il parvient à convaincre le parti bolchevique que la révolution socialiste est possible maintenant, en autant que le parti bolchevique adapte son programme en fonction des aspirations de la population. Et ce sera son génie, en fait. C'est le génie. Il arrive exactement avec ce sens, cet instinct politique et avec un programme. Exactement. Il dit aux paysans, vous voulez la terre à ceux qui la cultivent. Les soldats, vous voulez la paix dès la prise du pouvoir. Il dit aux ouvriers, contrôle ouvrier, vous aurez le contrôle ouvrier. Donc, les masses révolutionnaires vont tout simplement s'associer au parti bolchevique. Pourquoi? Parce que les bolcheviks sont d'accord avec les aspirations des masses. Ça va conduire donc cette montée de Lénine, ce programme qui sera proposé aux Russes, ça va nous conduire à la nuit du 24 au 25 octobre 1917. Les bolcheviks renversent le gouvernement provisoire lors d'un coup d'État, tout bêtement. Ça se fait de l'intérieur, ça se fait relativement tranquillement, selon l'historien et traducteur Pierre Pascal, qui était à Petrograd, Saint-Pétersbourg, au moment des événements en octobre 1917. Extrait de l'émission Archives du 20e siècle, diffusée à la télévision française en 1970. Ah, les journées d'octobre, c'est tout différent. Là, il ne s'est pas passé grand-chose dans les rues, en octobre. Ça a été une révolution intérieure et silencieuse, en somme, qui s'est passée dans la nuit. Un beau matin, comme c'était prévu d'ailleurs, la révolution d'octobre avait été annoncée. Mais on y croyait ou on n'y croyait pas, on n'y croyait pas spécialement pour ce matin-là. Et un beau matin, on a trouvé tous les points stratégiques de Petrograd occupés par des gardes rouges et des marins de Kronstadt, c'est-à-dire les éléments qui suivaient le plus docilement les bolcheviks, et Trotsky en particulier, car c'est lui qui a préparé les choses. Qu'est-ce qui se passe dans cette nuit du 24 au 25 octobre 1917? Un coup d'État classique. Un assaut frontal contre le palais d'hiver, siège du gouvernement provisoire. Les bolcheviks ont pris le contrôle des ponts, ils ont pris le contrôle des postes de police, des postes de télégraphe. Tout ce qui est stratégique est passé sous le contrôle des bolcheviks. Et les bolcheviks ont pris le pouvoir, donc ils ont donné l'assaut contre le palais d'hiver. Ouais. Ce qui est assez amusant, puis ça, on va l'apprendre après 1991. Les premiers gardes garde rouge qui entre dans le palais des fers, donc visite toutes les pièces, et il se rend dans les sous-sols du palais des fers, dans les caves. Et là, il découvre les caves à vin des Romanov, 10 000 bouteilles qu'ils vont boire dans la semaine qui vient. Et Lénine aura beau envoyé des détachements de garde rouge pour arrêter la beuverie. La beuverie ne s'arrêtera qu'avec épuisement des stocks. Ouais. Et ça, on ne le savait pas à l'époque. Ouais. Et donc, c'est un coup d'État classique. Et le lendemain de la prise du pouvoir, Lénine, encore une fois, coup de génie, il annonce le décret sur la terre. Mm-hmm. Il dit tout simplement aux paysans... Il met en œuvre son programme. Exactement. Il dit aux paysans, vous vous êtes emparés de la terre, gouvernement bolchevique légitime votre partage des terres des grands domaines. Et il décrète également, il annonce le décret sur la paix. Donc, il annonce son intention d'entamer des négociations de paix avec l'Allemagne le plus tôt possible, et il annonce une cessation des hostilités sur tout l'ensemble du front. Mais dans les jours qui suivent, là, Lénine, évidemment, pour conserver le pouvoir, va créer la Tcheka. La Tcheka, c'est la police politique. La police politique qui va lui permettre, justement, de lutter contre l'opposition. Mm-hmm. Et la Tcheka va devenir une des institutions vraiment phares du régime, parce que la Tcheka deviendra l'OGPU, la NKVD, éventuellement le KGB, et aujourd'hui le FSB. Et en janvier 1918, il va annoncer la création de l'Armée rouge. Mm-hmm. Donc Lénine, les deux piliers exactement, sont Lénine, déjà là. Lénine a donné au Parti bolchevique les instruments pour se maintenir au pouvoir. Donc, c'est clair qu'en prenant le pouvoir, Lénine a une intention, c'est de le conserver. Et pour le conserver, il crée la Tcheka et l'Armée rouge, mais il a eu vraiment l'intelligence d'ajuster le programme en fonction des aspirations de la population. Pierre Pascal parlait dans l'extrait qu'on vient d'entendre de Trotsky. Quel rôle jouera-t-il? Trotsky, c'est intéressant parce que Trotsky a été un menchevique jusqu'en juin 1917. Au début de la Révolution, quand le tsar tombe, Trotsky est à New York. De New York, il se rend à Halifax. Là, à la demande des autorités britanniques, on l'enferme pendant quelques temps. Finalement, on lui permet de se rendre en Russie. Et en juin, il revient en Russie en juin, il se déclare favorable au mouvement bolchevique, il adhère au mouvement de Lénine. Et étant donné ses compétences en stratégie militaire, Lénine le nomme tout simplement directeur du comité militaire révolutionnaire qui doit préparer le coup d'État qui permet aux bolcheviques de s'emparer du pouvoir. Donc Lénine a reconnu en Trotsky vraiment un organisateur et un fin stratège militaire. Et Trotsky vraiment a ceci de particulier, c'est un homme qui est passablement charismatique, qui a beaucoup d'ascendants sur les ouvriers, sur les gardes rouges, et particulièrement sur vraiment les marins de la base de Kronstadt qui vont servir de fer de lance, si vous voulez, à l'assaut contre le palais d'hiver. En quoi cette révolution russe de 1917 est-elle particulière? Comment elle se distingue des autres révolutions? On écoute l'historienne Hélène Carrère-Dancos, extrait de l'émission « Aux 20 heures », diffusée en novembre 1977. La révolution d'octobre a été voulue par Lénine parce qu'il y avait eu la guerre et parce qu'il a pensé que la guerre représentait une chance extraordinaire pour son pays, lui permettant d'accélérer le cours de l'histoire et de faire entrer dans la révolution un pays essentiellement attardé, avec une population majorité paysanne qui ne correspondait pas du tout au schéma révolutionnaire classique que Marx avait élaboré pour les sociétés avancées, la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Alors, et au fond, les bolcheviques n'avaient jamais rêvé de faire une révolution très vite. Et la guerre est arrivée, a disloqué l'ancien système politique, montré sa précarité et permis de s'emparer du pouvoir. Et les bolcheviques étaient, je crois qu'il faut y insister, c'était leur grande différence avec tous les autres révolutionnaires du monde, c'était des gens qui rêvaient de prendre le pouvoir et pas seulement qui parlaient de prendre le pouvoir. Alors, cela dit, ils n'ont pris le pouvoir, et surtout Lénine qui était un homme profondément, enfin comme tous ses compagnons, profondément internationaliste, que parce que cette guerre était la première guerre mondiale, qu'elle avait ébranlé tout le monde occidental, et par conséquent qu'elle semblait annoncer des révolutions partout. Le vrai contexte, c'était la chance d'une révolution internationale qui allait ébranler toutes les sociétés capitalistes et qui permettrait d'un coup de réaliser très rapidement cette révolution dans les sociétés les plus avancées d'Occident et dans les moins avancées. C'est intéressant ce que dit Hélène Carrère-Dancos parce qu'il y a évidemment l'effet important de la Première Guerre mondiale qui est décisif. Et puis il y a le fait que le terrain russe, si vous me passez l'expression, c'est ce qu'elle nous dit, ne correspond pas du tout au modèle théorique de Marx, par exemple. Exactement, parce que Marx avait prévu une révolution probablement en Allemagne, en Angleterre ou en France. Et aux yeux de Marx et Engels, la Russie et la Chine étaient les deux derniers pays où la révolution socialiste pouvait se dérouler. Mais elle a mentionné le génie de Lénine. Lénine, son génie, ça a été ça. C'était de profiter d'un contexte extraordinaire où cette société-là s'est totalement désintégrée. Mais Lénine, en prenant le pouvoir, est convaincu que ce qui se passe à Pétrograd, c'est l'étincelle qui va embraser le continent. Parce que Lénine est convaincu que dans les mois qui viennent, dans l'année qui vient, la révolution va se propager à l'Allemagne, à la France et à l'Angleterre. Donc, la révolution russe, c'est l'étincelle. D'ailleurs, le premier journal des bolcheviks s'appelait l'Iskra. L'Iskra, en russe, c'est l'étincelle. Et en 1917, Lénine est convaincu que la guerre a tellement discrédité les classes dirigeantes des principaux pays belligérants que la guerre a vraiment a créé un tel mécontentement chez les soldats paysans de tous les pays belligérants que le contexte est favorable justement à la propagation du feu révolutionnaire. Ouais. Mais ça ne se produira pas, évidemment. Non seulement ça ne se produira pas, cette étincelle, mais ce sera très difficile pour Lénine. Les cinq années, en fait, qui vont séparer cette révolution d'octobre 1917 à la création de l'URSS en 1922, ça va être, André, puis on va en reparler dans une émission subséquente, mais ça va être cinq années de tumulte et de chaos. De guerre civile et de chaos. On a déjà parlé de la famine, la fameuse famine de 1921-1922. Ouais. Pourquoi? Parce que dès janvier 1918, les partisans du tsar décident tout simplement de contester le pouvoir des bolcheviks et on assiste à la formation des armées blanches qui vont faire la guerre aux bolcheviks pour renverser ce gouvernement-là. Il y aura également une intervention des puissances étrangères, pas vraiment importante, mais quand même assez symbolique. Et il y aura aussi le chaos créé pendant l'année 1917 s'accentue en 1918. Et la situation est telle que des villes comme Petrograd et Moscou vont perdre entre début 1918 et l'adoption de la NEP au printemps 1921, perdront la moitié de leur population. Pourquoi? Parce que les gens meurent littéralement de faim. Et la guerre civile va créer une espèce de contexte de violence politique, de brutalité, qui va malheureusement ternir l'image du régime, mais en même temps, le régime parviendra à se maintenir. Pourquoi? Parce qu'il sera capable d'être terroriste. On en reparlera lors d'une émission subséquente de cette tranche fascinante de 1917 à 1921-22. André Champagne, historien, ami de l'émission, merci beaucoup, André. Je vous en prie. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, stagiaire à la recherche Antoine Gauthier-Trépanier, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Jacques Lebrun. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.